Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 avril 2018. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Le directeur général de la Régie des eaux confirme que les compteurs sont disponibles dans les stocks de cette entreprise de distribution d'eau et d'électricité. Jéroboam Nzikobanyang a demandé à tous ceux qui se voient exiger des suppléments injustifiés de dénoncer les agents responsables. Et les chèvres et moutons sont désormais interdits à la circulation sur toutes les collines de la province de Bouanza, comme d'ailleurs leur abattage pour la consommation. Ainsi en a décidé l'autorité provinciale après confirmation de l'existence de la peste de petits ruminants comme une rougazie aux 25 têtes sont déjà atteintes en l'espace de 3 semaines. Et l'Observatoire national pour la prévention du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité met en garde les politiciens contre toute tentative d'intoxication de l'opinion nationale et internationale autour des candidatures aux élections de 2020. Vous aurez les détails dans le communiqué sorti à cet effet par le président de cet organe, Jean Dodieu Moutawazi. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, l'Observatoire national pour la prévention du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité appelle les partis politiques et les indépendants à respecter l'esprit et la lettre du décret portant ouverture de la campagne électorale pour le référendum de 2018. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le président de l'Observatoire, Jean Dodieu Moutawazi, regrette que des politiciens spéculent et mentent autour des candidatures qu'il qualifie d'hypothétiques aux élections de 2020 pour, dit-il, intoxiquer et influencer l'opinion nationale et internationale. Il n'hésite pas à les mettre en garde qu'ils peuvent même être poursuivis en justice. Roselyne Akindavsi. Jean Dodieu Moutawazi, le président de l'Observatoire, tient à rappeler à tous les leaders des partis politiques et de la société civile que rien ne peut justifier l'usage de la violence, ni pour se maintenir au pouvoir, ni pour conquérir le pouvoir. Il met en garde ceux qui tenteraient d'emprunter cette voie, en particulier ceux en exil, mais sans beaucoup plus de précision. L'Observatoire met en garde certains politiciens va-t-en-guerre qui, domiciliés dans certains pays de la sous-région et en Occident, incitent la population burundaise à l'usage de la violence et à la révolte. Prévient ces politiciens qu'ils suivent de très près leurs faits et gestes et qu'ils n'hésitera pas à encourager le recours aux canaux diplomatiques et à la justice internationale pour que les coupables soient punis. Tous ceux qui sont en ordre pour participer au prochain référendum constitutionnel prévu le 17 mai prochain ne devraient pas avoir à s'inquiéter selon, encore une fois, Jean Dodieu Moutawazi. L'Observatoire national termine en appelant encore une fois les partis politiques et les indépendants ainsi que toute la population burundaise en âge de voter de mener leur campagne paisiblement et sereinement et de s'incliner devant le verdict des urnes en cas de victoire du oui ou du non. Le président de l'Observatoire affirme que la Constitution en attente d'être votée au référendum prévu le 17 mai prochain est une Constitution de tous les Burundais et non d'un seul homme. Roselyne Akindavzi, stagiaire à notre station. Et certains clients de la Régie des eaux se plaignent du retard mis dans l'acquisition des compteurs. Jéroboam Nzikobanyanga, directeur général de cette entreprise, dit que ces matériels sont disponibles au sein de cette société pour ceux qui payent 100 000 francs burundais de plus dans leur démarche effectuée pour leur commande. Le directeur général de la Régie des eaux dit que les montants exigés sont connus et leur demande de dénoncer toute personne qui exige ce supplément, car selon lui, c'est un mauvais comportement à décourager. Même en cas de paiement de suppléments pour certaines catégories d'abonnés, Jéroboam Nzikobanyanga précise que la Régie des eaux donne une facture pour cela. Suivez-le au micro de Lydia Gahimbare. Les compteurs sont disponibles dans nos magasins. On dit que la population doit payer 100 000 francs de plus aux démarches effectuées afin d'avoir un compteur. Qu'en dites-vous? Si d'autres cas arrivent, je demande à la personne lésée de se plaindre parce que si la Régie des eaux ne délivre pas une facture, il faut vraiment que la personne lésée porte plainte contre cette personne parce que, en principe, on ne demande rien à un client qui a bien payé. À part que les compteurs que nous avons maintenant sont des compteurs un peu supérieurs à ceux que nous avons. Si la Régie des eaux demande de payer un supplément, c'est exactement le prix du compteur pour ça, on lui donne une facture, un reçu. Mais si c'est vraiment un individu qui demande de l'argent pour effectuer un service de la régie des eaux, il faut que les services compétents ou même la personne puisse se plaindre parce que c'est un mauvais comportement à décourager. Jérôme Amenzi Kobanyanga au téléphone de Lydia Gahimbari. Santé, un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Et au Burundi, plus d'1 400 000 cas de paludisme ont été répertoriés dans les 14 premières semaines de cette année. Ces propos sont du directeur du docteur Diomède Ndayisenga. Il est directeur des programmes et projets au sein du ministère de la Santé. Il a dit dans un atelier média organisé ce vendredi dans le cadre de la préparation de la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2018. Suivez. La moitié de la population mondiale vit toujours à risque pour cette maladie évitable et guérissable qui coûte la vie d'un enfant toutes les 2 minutes. Le paludisme reste à la fois une cause majeure et une conséquence de la pauvreté mondiale. Il impose un lourd fardeau surtout dans les pays les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables. Selon le rapport de l'OMS, 216 millions de nouveaux cas de paludisme ont été notifiés en 2017, avec 445 000 décès. 90% des cas et 93% des décès ont été notifiés en Afrique subsaharienne. Au Burundi, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et compte parmi les principales priorités nationales en matière de santé. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, la circulation des chèvres et moutons est désormais interdite en province Bubanza. L'abattage et la consommation de la viande de ces animaux sont strictement interdits également. C'est du moins certaines des mesures contenues dans un communiqué sorti par le gouverneur de la province Bubanza ce mercredi. C'est après avoir eu les résultats de laboratoire qui confirment la peste de petits ruminants en commune Rugazi de cette même province. 25 chèvres sont déjà atteintes dans un délai de 3 semaines. Spes Caritas Cavagnana. Comme l'a signalé l'administration locale à Rugazi, plus de 30 chèvres ont été atteintes d'une maladie qui n'était pas encore connue à Muzinda, en commune Rugazi, et 17 d'entre elles ont trouvé la mort. Après examen au laboratoire, on a constaté que c'était la peste des petits ruminants diagnostiquée sur 25 chèvres à Muzinda, comme le soulignent les responsables vétérinaires. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la province de Bubanza, en collaboration avec le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, ont sorti un communiqué ce mercredi interdisant toute circulation de chèvres et de moutons dans toute la province. Aussi, l'abattage et la consommation de la viande de ces animaux sont strictement interdits, comme ça se voit dans le même communiqué. Tarcisse Niyongabo, gouverneur de Bubanza, appelle les autorités administratives et les forces de l'ordre à tous les niveaux à faire respecter ces mesures jusqu'à ce que la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza signale que la maladie est complètement éradiquée. Toute personne qui passera outre ces mesures sera sanctionnée conformément à la loi, selon le même communiqué. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, on reste dans cette région où l'on nous rapporte qu'un élève de l'Institut technique agricole ITAB de Gihanga est détenu au cachot de police judiciaire depuis ce mardi. Ndagijimana Manasse est accusé de vol de matelas à cette école, un vol commis au début de ce 3e trimestre. Après interrogatoire, ce détenu a révélé où se trouvent 4 des 7 matelas volés. La police, tout comme les responsables de la dite école, explique que les enquêtes continuent pour que les 3 matelas qui restent soient récupérés. Grogne des caféiculteurs de la province Ngozi, à l'endroit de certaines stations de lavage du café qui organisent une sorte de vol quand il s'agit de trier le café cerise. Selon ces caféiculteurs, presque toute la quantité acheminée à l'usine est mise dans le café cerise B au lieu de la cerise A et reçoivent en conséquence 250 francs burundais par kilogramme au lieu de 500. Ces caféiculteurs parlent d'énormes pertes, ce qui est confirmé par Lambert Nonzubumwe, coordinateur technique au sein de la Fédération des caféiculteurs de Ngozi, Ngorera Ngokize. Il prodigue aussi des conseils pour cela, pour que cela change dans l'intérêt de la population caféicole. Suivez-le au micro de notre correspondant Apollinaire Mozagara. Ces nous ont été parvenues via ces caféiculteurs. La question a été traitée au niveau d'une réunion qui s'est tenue au niveau de la province Ngozi. Même ces sociétés détentrices des stations de lavage étaient là-bas. La société qui était visée par ces caféiculteurs, c'était la société Bogestal. Mais quant au représentant de la société Bogestal, il a dit que ces alimentations ne sont pas fondées, qu'elles sont véhiculées par des commerçants en bilan et que les caféiculteurs vrais s'engagent dans cette activité de sélection et de frottaison. C'est une question qu'on doit suivre de près pour ne pas engendrer des conséquences néfastes envers la production caféicole. Et justement, quel conseil pouvez-vous prodiguer à ces agriculteurs ou bien aux autres pour qu'ils ne continuent pas à perdre comme ça? D'abord, ce que les sociétés visées doivent se parler avec les caféiculteurs dans le but de trouver une solution que je dirais durable pour ne pas être pénalisés au niveau de la production. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer et d'identifier les bénéficiaires du projet PACCS. Ce qui s'observe est que certains caféiculteurs disent qu'ils ne peuvent pas s'enregistrer au moment où ils considèrent que certaines sociétés de dépilage et lavage sont en train de les voler. Un autre conseil que je peux lancer à ces caféiculteurs, je les demanderai d'approcher l'administration locale et l'administration communale ainsi que les élus locaux pour traiter la question ensemble dans le but d'évoluer positivement. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Deux hommes de Kizuka en commune et province de Rumonge ont été malmenés par des gens qui se prennent pour des immondés la coulée de la place. La nuit de ce jeudi, l'un a été tabassé sur la route numéro 3, la route nationale numéro 3. Et l'autre avait été déjà conduit au cimetière de la place pour être tué. N'eût été l'intervention de la police, selon ses dires, et demande le renforcement de la sécurité. La police à Rumonge dit qu'elle s'apprête à arrêter ces fauteurs de troubles. Rien ne prouve que les partis politiques ou indépendants ont demandé la tenue de la campagne référendaire dans les différentes communes urbaines de Bujumbura, alors que le décret présidentiel portant ouverture de la campagne référendaire précise que cette propagande débute le 1er mai prochain, suivant la demande préalable soumise aux administrateurs communaux. Nos reporters n'ont rien trouvé comme demande de battre campagne au bureau des communes urbaines. L'administrateur communal de Nangwa n'a pas voulu les recevoir et celui de Mukasa affirme avoir enregistré le parti au pouvoir. Et certains habitants de la zone Bouyenzi disent être débordés par les immondices non collectés par l'entreprise Bujumbura Cleaning Company opérant dans la commune urbaine de Mukasa. Et ces habitants jettent n'importe où ces déchets ménagers, notamment dans les rivières et sur les axes routiers. Ils demandent à la mairie de se pencher sur cette question. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous tous.